Yeah. Yeah. Futur proche, l'art noir, Boulogne. Comprends bien le thème sur une prod de Inch. Et comprends bien. Yeah. Yeah, ok. Le vent en poupe, j'ai mis les voiles. À force de jeter l'angle, c'était l'époque où les potes et les profs croyaient que j'étais là en ballant. Mais je sais comment ça se passe de nos jours. On croit changer avec une claque sur nos joues. J'ai rencontré Marcus, le petit frère du pote d'un pote. On faisait la paire, l'affaire, sans faire de porte à porte. Toujours en bas de l'échelle, d'ailleurs je m'en bats que l'échec. Je fais des phrases et des phases, et je me détache des chaînes. Un peu trop zen, un peu d'oseille et pas de sexe à pile. Pas d'excès de zèle, j'oublie mon tel quand une ex m'appelle. La rage oublie, j'attends le pire, y appelle vite ma peine. Je touche le fond, ouais, c'est tout quand le vide m'appelle. Je saigne comme un connard, j'en ai marre de taffer. Je vois mon avenir dans un cognac, et non dans un marc de café. Je me débrouille seul, tu sais. À force d'attendre de l'aide, j'ai touché le fond et je creuse encore, ouais, ça depuis mes dents. Mes rêves sont noirs et sombres, comme un son de tragédie. La vie fait mal et au final sans cesse, je la casse des idées. Mais je l'aime tellement, tellement que je la chante. Non, non, non, peut-être bêtement, bêtement, mais je la chante. Non, non, non, mes rimes sont noires et sombres, comme un son de tragédie. La vie fait mal et au final sans cesse, je la casse des idées. Mais je l'aime tellement, tellement que je la chante. Non, non, non, peut-être bêtement, bêtement, mais je la chante. Non, non, non, je suis vide, non. Comme une bouteille géante, tous mes vieux démons me hantent, mais je retournerai pas mon manteau. J'ai tenté d'être réglo, d'être honnête, tout ça est délicat quand le job devient ornette. Faut que je m'en remette, même si je touche de fond. Y'a pas de recette, si t'as le bif, négro, t'auras les gonzes. Je m'évade dans un deux feuilles, les stars me veulent. Dis-leur, je suis postiche, je porte auteuil. T'as beau connaître la hesse et la détresse, pas à l'abri de la dépresse, car le diable est déter. J'écoute rarement mon cœur, de peur d'être impulsif. Car quand j'aime, pour en rien, je peux péter un fusible. Lucide, sur les peines que j'engendre, mauvais gendre, je baisse ta fille et je rentre. L'inscrit trouvé dans un transilia. J'ai pas d'institut de la weed et la mes rimes sont noires et sombres, comme un son de tragédie. La vie fait mal et au final sans cesse, je la casse des îles. Mais je l'aime tellement, tellement que je la chante. Non, non, non, peut-être bêtement, bêtement, mais je la chante. Non, non, non, mes rimes sont noires et sombres, comme un son de tragédie. La vie fait mal et au final sans cesse, je la casse des îles. Mais je l'aime tellement, tellement que je la chante. Non, non, non, peut-être bêtement, bêtement, mais je la chante. Non, non, non, j'ai fait des sons avec des gars. Et du coup plus de nouvelles, mais bon donc normal si les coups de pute nous aiment. Je suis qu'un bâtard au pied du mur solitaire comme Jon Snow. Je connais la chanson par cœur, à mes oreilles elle sonne faux. On me dit sans cesse Gwen, il faut que tu changes de thème. Mais va dire ça à toutes mes rimes dans une chambre d'hôtel. Comme à l'époque de Malécal, tu comprends mieux pourquoi je fais du son en restant à l'écart. Je sais que je n'irai pas bien loin parce que les portes sont en métro. Ils me mettront accroupi et me diront s'il te plaît tous. J'ai les cartes en main, un as caché dans la manche. Un arsenal de baisers pour les mettre à l'amende. Un rat larsé comme Lanceau. J'écoute pas les pipettes qui braillent. J'ai chopé la France comme la volée du plat. J'essaye de faire le vide avec ma weed. Porte un scar où j'ai roulé ma bille où j'ai dit des gratis. Mes rimes sont noires et sombres, comme un son de tragédie. La vie fait mal et au final sans cesse, je la casse des îles. Mais je l'aime tellement, tellement que je la chante. Non, non, non, peut-être bêtement, bêtement, mais je la chante. Non, non, non, mes rimes sont noires et sombres, comme un son de tragédie. La vie fait mal et au final sans cesse, je la casse des îles. Mais je l'aime tellement, tellement que je la chante. Non, non, non, peut-être bêtement, bêtement, mais je la chante. Non, non, non.